Comme le cœur brisé grave, j'écris mes raps d'un amour viscéral. J'ai visé l'art comme Victor Hugo, écrivait les misérables. La vie c'est hard, oui, mais ça dépend pour qui. Et surtout quand l'ennemi dérape, sachant que les vrais amis c'est rare et que l'amour à crise est grave. J'aimerais effacer les soucis, mais face à lui, trop qui s'écrase. Nos vies c'est pas le Far West ou cinéma, encore du cœur. Sache que les guns ainsi que la drogue ici c'est mal. Non, je peux pas pleurer, j'essuie les larmes de mon ami, de celui qui est mal comme toi. J'évite les drames, préfère quand le pourrir éclate. Faut que je m'éloigne de ce que les pourris réclament. Je me préserve, je suis désolé si j'ai pas le sourire, mesdames. Parfois le moteur craque, l'espoir tant que j'entendrai mon cœur battre. Pas ceux qui te pourriraient l'âme. Oui, parfois le moteur craque, l'espoir tant que j'entendrai mon cœur battre. Pas ceux qui te pourriraient. C'est juste un bout de ma life. Noyer ma peine dans l'écriture, du mal à joindre les deux bouts. Car sur ma ligne y'a des fritures. C'est juste un bout de ma life. Sur la marge, le stylo cool, à trop planer, j'y laisse des plumes. Oh putain, ça tourne en boucle. C'est juste un bout de ma life. On se réveille comme un printemps, et tombe comme des feuilles en automne. Sur le papier, ce qu'on véhicule, c'est life. Juste un bout de ma life. J'ai préféré courir après les mics que courir après les femmes. Dans ce monde de fées, je fais mes armes, le sourire après mes phrases. On est pas là pour craquer les gars, mais plutôt s'écarter des failles. Avec le poids des mots, je me dis qu'on pourrait même braquer des armes. Marquer les âmes, me parle pas de tarter les ânes. On a du bon à leur apprendre, vaut mieux parler après les actes. Ça fait des années que j'allais taffer mes bails. Freestyler dans le palier, dans l'escalier, j'grattais mes vibes. Taguer des plats sur le mur du quartier, j'm'éclate. J'voyais les grands taper des graves pendant que de bonnes braquer des sables dehors. L'or n'a pas fait capater les femmes. Ouais, pour l'or, l'homme est prêt à te mettre en aparté, c'est grave. Ou bien sur le gravier, c'est crasse. Parce que la vie, ça met des claques. Y'en a combien qui c'est la bête qui peut après s'éclate. Ou bien sur le gravier, c'est crasse. Parce que la vie, ça met des claques. Y'en a combien qui se la pète qui peut après s'éclate. C'est juste un bout de ma life. Noyer ma peine dans l'écriture, du mal à joindre les deux bouts. Car sur ma ligne, y'a des fritures. C'est juste un bout de ma life. Sur la marge, le stylo cool, à trop planer, j'y laisse des plumes. Oh putain, ça tourne en boucle. C'est juste un bout de ma life. On se réveille comme un printemps et tombe comme des feuilles en automne. Sur le papier, ce qu'on véhicule, c'est life. Hein? Juste un bout de ma life. Sache que l'on te livre. Juste un bout de ma life. C'est juste un bout de ma life.